voix s'élève dans la brume obscure. Un chant fragile, une promesse pure. Redeskill murmure, la foule frissonne. Chaque souffle brûle, chaque mot résonne. Chaque pas résonne, une danse secrète. Les ombres glissent, la tension s'arrête. Redeskill avance, son souffle envoûte. La foule acclame, portée par la route. La nuit caresse nous. Chaque mot devient un fil subtil. Deux voix s'unissent suspendues dans l'air. Redeskill brille, mystère clair. Feel the time. Redeskill whispers your name. Chaque murmure guide la destinée. Chaque regard une flamme donnée. Redeskill parle, l'univers s'éveille. La foule répond, la nuit sans soleil. Sous ses mots, la lumière s'enlace. Chaque instant devient grâce. Nos voix se mêlent, une étreinte sonore. Chaque note éclate, chaque souffle adore. Redeskill au centre, cœur incandescent. Le public vibre en feu. Chaque souffle gravé, chaque cri existe.